بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين السلام عليكم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد On continue au cher frère barakallahu fikum la lecture de ce livre cet épître très important concernant la jurisprudence islamique Et nous étions donc en train d'aborder le sujet du jeûne, le chapitre du jeûne. On était donc arrivé à la parole de l'auteur, rahimahullah, lorsqu'il dit « Wa idha khafatil hamilu ala ma fi batniha, aftarat wa lam tut'im, wa qad qila tut'im. Wa lil murdi'i in khafat ala waladiha wa lam tajid man tasta'jir lahu » أو لم يقبل غيرها أن تفطر وتطعم. Et donc il dit l'auteur rahimahullah, la femme enceinte, si elle a peur concernant l'enfant qui est dans son ventre, si elle a peur pour lui, alors il lui est permis donc de rompre le jeûne et elle ne va pas avoir à nourrir des pauvres. Elle ne va pas avoir à nourrir des pauvres. Et il fut dit, elle doit nourrir des pauvres. Donc ici, l'auteur nous parle du madhhab, le madhhab de l'imam Malik, le madhhab de l'Malikiya. Donc chez les Malikites, la femme qui est enceinte et qui va donc rompre son jeûne, elle va rompre son jeûne parce qu'elle est enceinte, alors cette femme-là, donc, elle va devoir, il nous cite, le fait qu'elle ne va pas nourrir de pauvres. Et il nous dit derrière, il se peut, donc il fut dit, elle nourrit des pauvres. Ça c'est un avis chez le Malikiya. Mais l'avis le plus répandu chez donc, les savants malikites, c'est qu'elle ne nourrit pas de pauvres. Elle ne nourrit pas de pauvres. Et ensuite il continue et il dit par contre la femme qui allaite si elle a peur concernant son enfant et qu'elle ne trouve personne à qui donner un salaire justement pour allaiter l'enfant ou que l'enfant n'accepte personne d'autre que elle alors cette femme là elle va donc faire elle va donc rompre le jeûne et elle va nourrir les pauvres et donc ici on voit une distinction dans l'école malikite, entre la femme qui est enceinte et la femme qui allaite. La femme qui est enceinte et la femme qui allaite, leur cas n'est pas semblable dans l'école malikite. Et donc tout d'abord, il faut savoir, barakallahu fikoum, que les savants sont unanimes. Les savants sont unanimes sur le fait que la femme enceinte et la femme qui allaite, les deux ont le droit de ne pas jeûner. Pendant Ramadan. Ça, c'est un sujet d'unanimité. Mais ensuite, maintenant, il y a un sujet de divergence concernant le fait de rattraper ces jours de jeûne manqués ou l'expiation. C'est là qu'elle est la divergence. Et donc, le premier madhhab qu'on a vu, c'est le madhhab de l'imam Malik, c'est-à-dire le fait de faire la distinction entre la femme qui est enceinte et la femme qui allaite. Celle qui est enceinte ne va pas nourrir de pauvres et celle qui allait va devoir nourrir un pauvre par jour manqué. En sachant qu'il y a aussi le fait de rattraper les jours de jeûne. Donc dans le madhhab, la femme qui est enceinte, la femme qui allait, les deux vont rattraper. Sauf que celle qui est enceinte, elle ne fait que rattraper. Ensuite, on a l'avis de l'Ahnaf. L'avis de l'Ahnaf, eux, ils voient que il n'y a que le rattrapage. Il n'y a que le fait de rattraper les jours encore. Il n'y a pas le fait de nourrir les pauvres. Donc, chez l'Ahnaf, on ne nourrit pas la femme enceinte ni la femme qui allait. Aucune ne va nourrir les pauvres. Elles n'auront qu'à rattraper les jours de jeûne manqués. Et on a le troisième avis, l'avis de Al-Shafi'i, au Ahmed, qui voit que la femme enceinte et la femme qui allait, elles vont toutes les deux rattraper et nourrir un pauvre pour chaque jour manqué. Ça, c'est les trois avis qui sont connus et propagés. On a un quatrième qui est connu et propagé aussi, mais le quatrième, je l'ai laissé pour la fin. D'abord, déjà, comprendre ces trois avis-là. Qu'est-ce qui a fait qu'il y a un sujet de divergence ici ? Allah tabaraka wa ta'ala, dans le Coran, concernant les personnes qui ne vont pas jeûner, il nous dit « فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرٍ » Celui d'entre vous qui est malade ou en voyage, qu'il rattrape ses jours manquants. وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينَ Et ceux qui ne peuvent le faire que avec une grande difficulté, alors qu'ils nourrissent un pauvre. Et donc ici, les savants qui voient que la femme enceinte ou la femme qui allait doit rattraper ses jours de jeûne, ils vont la comparer aux malades. Puisque Allah tabaraka wa ta'ala dans le Coran, il a cité le fait de rattraper le jeûne pour qui ? Pour le malade et le voyageur. Pour les deux, le malade ou le voyageur. La femme enceinte, on ne va pas la comparer au voyageur. D'accord ? Et donc ils vont la comparer au malade. Ils vont faire ce qu'on appelle le qiyas. Ils la comparent à la situation du malade. Et donc celui qui, pendant un moment, il ne peut pas, mais ensuite il se rétablit, alors à ce moment-là, il rattrape ses jours de jeûne manqués. Et ils vont dire, et en plus de ça, elle va nourrir pour certains. Donc certains vont dire qu'elle va nourrir un pauvre, et d'autres vont dire non, elle va liquider, ils vont nous dire que la femme qui est enceinte, si, la femme qui allait, c'est cet avis, Abu Hanifa, il a son avis, El Chef et Ahmed, ils ont leur avis. Mais ils sont tous d'accord sur le fait qu'elle rattrape. Pourquoi ? Parce qu'ils ont tous comparé la femme enceinte et la femme qui allait avec le malade. L'avis suivant, le quatrième avis, c'est un avis donc qui est connu de Ibn Abbas, radhiyallahu anhuma, ainsi qu'Ibn Umar, parmi les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, radhiyallahu anhum, qui est que la femme enceinte ne va pas rattraper ses jours ne rattrape pas ses jours manqués. Il ne lui est pas obligatoire de rattraper les jours manqués. Et que ce qui lui est obligatoire, c'est de nourrir un pauvre pour chaque jour manqué. Juste le fait de nourrir, mais pas de rattraper. Et d'ailleurs, Ibn Abbas, il a été rapporté de lui concernant le tafsir de ce verset qu'on a récité. Il a été rapporté d'Ibn Abbas, radiallahu anhuma, que la parole d'Allah tabaraka wa ta'ala wa ala alladhina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin, et ceux qui ne peuvent le faire qu'avec grande difficulté, qu'ils nourrissent des pauvres. Ibn Abbas, radiallahu anhuma, il nous dit cela concerne al-shaykh al-kibir, le shaykh qui est âgé, al-mar'atul ajouz, la femme âgée, wal-hamil, la femme enceinte, wal-murdi'a, et la femme qui allait. Et donc ici, ce verset-là concerne ces quatre personnes, ces quatre types de personnes. Et c'est à partir de là que beaucoup de savants, par la suite, ont dit que cet avis, c'est l'avis le plus juste. Le fait que la femme enceinte et la femme qui allait, il ne leur est pas obligatoire de rattraper des jours de jeûne manqués, mais qu'elles ont juste à nourrir un pauvre à chaque fois. Et cet avis, c'est l'avis le plus juste, inshallah ta'ala. Surtout que cet avis, c'est un avis qui était connu d'Ibn Abbas et Abu Huraira, d'Ibn Abbas et Ibn Omar. Connu et compagé. Et pourtant, il n'y a pas d'autre avis chez les compagnons. Il n'y a pas de compagnons qui ont contredit cela. Et donc, si cet avis n'était pas correct chez les compagnons, auraient répliqué à cela. On aurait eu d'autres avis des compagnons, d'autres compagnons qui nous rapportent d'autres avis que ceux-là. Mais, comme ils disent les savants, la mukhalifa lahuma fi sahaba. Il n'y a pas de compagnon qui les contredise sur ce sujet. Et ça, c'est très important. Parce que ce sont eux qui ont assisté à cette période de révélation. Ce sont eux les élèves du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ce sont eux qui connaissent le mieux le Coran. Et ce sont eux que Allah tabaraka wa ta'ala nous a ordonné de suivre. Si on veut atteindre sa satisfaction. وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ بِيَحْسَانِ. Et ceux qui les ont suivis de la meilleure des façons. Ont suivi qui ? Les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc à partir du moment où il y a un avis des compagnons qui est propagé et qu'il n'y a pas, il n'est pas connu que d'autres compagnons les ont contredits en cela, cet avis devient très fort. Très très très fort. Aussi, concernant le sujet de cette femme qui est enceinte. Comme j'avais expliqué aux frères du Nord. La femme qui est enceinte, elle est enceinte. Prenons un exemple. Ce Ramadan, elle est enceinte. Et donc, elle décide de ne pas jeûner. Elle ne jeûne pas. Un peu plus tard dans l'année, elle accouche. Elle va allaiter cet enfant. Et l'enfant, mashallah, il va rester avec elle comme ça pendant 2 ans. Les 2 ans complets. Elle finit d'allaiter, elle retombe enceinte. Et là, on repart pour une partie. Donc, elle a, la première année, elle n'a pas jeûné. Ensuite, elle allaitait. Ensuite, elle allaitait. Ensuite, elle retombe enceinte. On est à 4 ans. Ensuite, elle va accoucher, elle allait, etc. Et, mashallah, imaginons qu'elle arrive à 4 enfants comme ça. 4 enfants comme ça, tous les 2 ans. Et c'est pas beaucoup, hein. C'est pas beaucoup. Et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de femmes, c'est difficile pour elles de rattraper ces jours de jeûne. On va leur dire obligé, il faut que tu rattrapes, il faut que tu rattrapes, il faut que tu rattrapes. Elles vont te dire, mais je rattrape quand ? Certaines se mettent en difficulté, elles vont se forcer à rattraper le jeûne pendant qu'elles allaitent. Et après, ah, il n'y a plus de lait. On est obligé d'aller acheter le lait sinaï, le lait fabriqué, etc. Hein ? Comme certains vont dire, le lait chimique. Et faire nos enfants délaisser le lait maternel. Et donc c'est important, barakallahu fikoum. Si la femme d'elle-même, elle veut rattraper ses jours de jeûne, il n'y a pas de mal. Il n'y a pas de mal. Si elle veut rattraper ses jours de jeûne, elle peut rattraper. Mais par contre, de là à dire que c'est obligatoire, et qu'il lui est obligatoire de rattraper les jours de jeûne, là il faut ramener une preuve. Il faut ramener une preuve. Pour dire que c'est obligatoire, il faut ramener une preuve. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui dit Inna Allah ta'ala rafa'a 'anil musafiri as-salat ou shatr as-salat. Allah tabaraka wa ta'ala, il a enlevé l'obligation de la moitié de la prière concernant le voyageur. Wa 'anil musafiri wal hamili wal murdi' as-sawm. Et il a enlevé l'obligation du jeûne concernant le voyageur, la femme qui allait et la femme qui est enceinte. Et donc concernant le voyageur, on a un verset qui nous dit que le voyageur il doit rattraper. Concernant la femme qui allait et la femme qui est enceinte, où est-ce qu'on va trouver une preuve qu'elle doit rattraper ? Celui qui en a une, marhaban bihi, il est bienvenu. Où est-ce qu'on trouve une preuve ? Dans le Coran et la Sunna. Que cette femme qui est enceinte, elle doit rattraper ses jours de jeûne. Et c'est pour ça que, donc, je redis, l'avis le plus juste ici dans ce sujet, c'est que la femme enceinte ou la femme qui allait, il ne lui est pas obligatoire de rattraper ses jours de jeûne, mais elle, il lui est obligatoire donc de nourrir pour chaque jour manqué un pauvre. Et si elle veut rattraper, alors elle peut. Alors ensuite, l'auteur, rahimahullah, il nous dit ويستحب للشيخ الكبير اذا افطر ان يطعم والاطعام في هذا كله مد عن كل يوم يقضيه. Et donc il dit, il est recommandé concernant l'homme âgé, Cheikhul Kibir, lorsqu'il a rompu son jeûne ou lorsqu'il n'a pas jeûné, alors il est recommandé pour celui-ci donc de nourrir un pauvre à chaque fois, pour chaque jour manqué, et cela se fait en donnant un moud. C'est quoi un moud? Ça? Mais c'est quoi un moud? Ah. Un petit récipient. Un verre, une tasse de café, un bol. El moud à la base, c'est les deux mains tendues. Mais ce qui est voulu ici, c'est Mouddou Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Et donc on se base sur quoi? Sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui avait donc une taille médiane. Ni trop grande, ni trop petite, mais une taille médiane. Et donc un moud. Et si tu prends plus, il n'y a pas de mal non plus. D'accord? Si tu prends un peu plus, il n'y a pas de mal. Et donc par jour, donc ici, El-Maliki, elles nous disent un moud. Mais ce qui a été rapporté de Aïcha, c'est la moitié d'un sa. Ce qui a été rapporté de manière authentique de Aïcha, c'est la moitié d'un sa. C'est quoi un sa? C'est quoi un sa? Il faut qu'à chaque année, on fait Zakat al-Fitr. Chaque année, on fait Zakat al-Fitr. Alors, le sa, c'est Arba'atu Amdad. C'est 4 moud. Un sa, c'est 4 moud. Et donc, la moitié du sa, 2 moud. Le sa, après avoir mesuré, testé, etc., etc., les savants nous disent que le sa, c'est à peu près 3 kilos. Mais quand tu regardes bien, tu vas voir qu'il y a certains éléments qui sont bien en dessous des 3 kilos. Certains éléments, si tu le fais au détail avec le moud, certains vont être en dessous des 3 kilos. Et majoritairement, ils vont tous être en dessous, mais certains vont se rapprocher un peu plus des 3 kilos que d'autres. En tout cas, quand tu prends tes 3 kilos, tu es sûr que tu as pris la quantité avec ziyada, en plus que cela. Et donc la moitié des 3 kilos ici, c'est 1,5 kg. 1,5 kg. Et donc une personne, une femme qui n'a pas jeûné pendant tout le mois de Ramadan, à la fin du mois, si elle veut, ou si elle veut, elle peut le donner au début du mois, elle donne combien de kilos? 45 kilos. Et donc 45 kilos pour le mois. 45 kilos de riz ou de farine ou donc aliments qui peuvent être conservés. Ce sont des aliments qui peuvent être conservés. Elle donne 45 kilos ou alors si elle veut, elle nourrit, elle donne un repas à chaque fois pour chaque pauvre. Un repas. Anas ibn Malik radiallahu anhu, il est rapporté de lui qu'il donnait un repas à chaque fois, de la viande et du pain. Et donc tu peux aussi donner un repas. Tu peux donner un repas au même pauvre. Ça c'est permis aussi, parce que ici, Allah il nous a dit un pauvre. Il n'a pas cité un nombre de pauvres, comme pour d'autres expiations. Ici il nous cite un pauvre. Ça peut être le même à chaque fois. Tous les soirs pendant Ramadan, tu dis viens manger à la maison. Il vient et mange avec vous et à la fin du mois, alhamdulillah, c'est réglé. Et donc il y a plusieurs façons pour l'expiation par rapport à cela. Mais on revient au sujet du livre concernant l'homme âgé, l'homme et la femme âgée. Il y a unanimité. C'est un sujet d'unanimité aussi. Le fait qu'il leur ait permis à tous les deux de rompre leur jeûne. Et ça, c'est un sujet qui c'est important de le faire comprendre aux personnes âgées. Parfois, certains se forcent et se mettent dans des situations difficiles. Jusqu'à tomber malade, finir à l'hôpital, etc. Ils veulent absolument jeûner. Alors que Allah tabaraka wa ta'ala leur a accordé une facilité. Et qu'Allah aime qu'on prenne la facilité qu'il nous accorde. Tabaraka wa ta'ala. Ensuite, il nous dit l'auteur rahimahullah, وَكَذَلِكَ يُطْعِمْ مَنْ فَرَّطَ فِي قَضَاءِ رَمَضَانِ حَتَّ دَخَلَ عَلَيْهِ رَمَضَانُ الْآخَرِ. Celui qui a été négligent concernant le rattrapage, concernant le fait de rattraper les jours manquants de Ramadan, il a été négligent cela, jusqu'à ce que le Ramadan prochain arrive. Alors celui-ci, il doit nourrir un pauvre pour chaque jour non rattrapé, en plus du fait de rattraper les jours. Ça veut dire que la personne, donc, pendant Ramadan, elle est en voyage. Pendant le voyage, il décide que le mieux pour lui, c'est de ne pas jeûner. Et donc, il ne jeûne pas. Sauf que, après Ramadan, il se trouve donc dans plusieurs sujets où il a du mal à rattraper, il va être négligent. Le Ramadan d'après arrive, il lui reste encore 5 jours à rattraper, il ne les a toujours pas rattrapés. On va lui dire concernant ces 5 jours là donc déjà tu fais le Ramadan actuel, puisque ça, le Ramadan a commencé, le nouveau Ramadan a commencé, comme il a été rapporté d'Ibn Abbas. Ibn Abbas qui dit fal yasum ma adrakahu, et donc il jeûne le Ramadan qui est arrivé maintenant. Et qu'il rattrape les jours qu'il lui manque du Ramadan précédent. Et qu'il nourrisse un pauvre pour chacun de ses jours. Et donc ça, c'est une expiation en plus. Pourquoi ? Parce qu'il a été négligent. Celui qui n'a pas été négligent, il était malade, il n'a pas pu, ça c'est autre chose. Mais celui qui a été négligent, lui, il doit nourrir un pauvre en plus pour chaque jour non rattrapé. Ça, c'est l'avis de l'Jumhur. Al-Malikiya, comme on vient de le voir, Al-Hanabila, donc les savants du Madhab Hanbalit, et ainsi que les savants du Madhab Shafi'it. Les seuls qui se sont opposés à ça, c'est Al-Ahnaf, les savants donc du Madhab de l'imam Abu Hanifa. Pourquoi ? Parce qu'ils nous disent que Allah Azza wa Jal dit dans son livre فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّمٍ أُخَرٍ, alors qu'il rattrape des jours manquants. Il dit, c'est tout ce qui a été cité dans le Coran. C'est tout ce qui a été cité dans le Coran. Et d'ailleurs, Al-Bukhari, dans son Sahih, il a cité cela. Al-Bukhari, il dit, c'est tout ce qui a été cité dans le Coran. Mais ce qui a été cité dans le Coran concerne celui qui était malade, celui qui est en voyage, qui n'a pas jeûné, alors qu'il rattrape ses jours manquants après Ramadan. Là maintenant, on est arrivé à un autre sujet. C'est lorsque le nouveau Ramadan il est arrivé. Ça, c'est un autre sujet. Et donc, on regarde, concernant les textes du Coran, de la Sunna, mais aussi concernant les compagnons, parce que c'est eux qui nous ont apporté le Coran et la Sunna. Et le seul avis qu'on trouve chez les compagnons, chez Ibn Abbas, Abu Huraira, Wajjam, et plusieurs parmi les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est le fait que ces personnes-là doivent aussi nourrir un pauvre. Aussi nourrir un pauvre. Mais ils n'ont pas de péché. Ah oui. Ah oui, puisqu'ils ont été négligents. Et ça ne rattrape pas le fait de nourrir un pauvre. Il y a le péché aussi. Il y a le repentir par rapport à cela. Et Abu Hanifa, lui, il voit que c'est la seule chose qu'il y a à faire, c'est se repentir et rattraper le jour. D'accord ? Mais c'est fortement blâmable. Le fait de ne pas rattraper ses jours, c'est fortement blâmable. Et donc c'est important qu'on fasse l'effort de rattraper nos jours de jeûne manqués. Wa alaykoum as-salam wa rahmatoullah. Donc voilà pour aujourd'hui, inshallah ta'ala. On va arrêter, inshallah ta'ala, parce qu'il faut prier. Waffaq Allahu jami'an lima yuhibbu wa yarda. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Jazakumullahu khairan.